Texas. Dans les fouettes négro exact. 2015 là pour les thunes. Pas le temps pour vos examens. On va par nous cash, par nous PayPal. Très catchy ou très black. Les gros entre et neutre, on nous fait pas. On est en dessous, tu au-dessus du shaitan. Gadien, négro, je veux grave de la glace comme Paul Mur. Artisanal à l'actavis. Sur cette merde, négro, cogne mur. Et tu connais l'équipe, H24 roule du champ. Mais au point plein de mecs quand tu vends ton boule pour du champ. 2015, chill, tipping chaque jour comme un Houston Lean, tipping. Gardez un négro, je veux pas finir comme X, Zibit, zigzag dans le 4 roues motrice. Négro comme Slim Tug, LDO Supra, négro, shit qu'il vend, qu'il neige ou qu'il pleuve. Chaque jour, chill dans le bando comme capo. Niveau 3, le bon but. Gris pendant que jaune ligne, petit dans mon cœur. Tous les jours chip, négro, normal, j'parle souvent de ça, Sprite. J'ai conçu beaucoup de Southside, on fait des milliers de vues sur SoundCloud. Addictif comme d'héroïne, c'est de la pratique, fuck la théorie. Négro, on arrive, sur le rap, j'ai comme une pluie de météorite. Nato averse de négroïde, là ils sont pas prêts. Somo est devant ces négro biches, mais qu'apprends ce qu'on dit qu'après. 06, 52, 60, non, j'suis pas un Mike Jones. Sur la prod, j'suis comme un flanqueur. Négro, t'es comme un flashball. À Dakar, à quoi dans les faux-faux. On est des vrais, vrais, des faux-faux. J'arrive qu'à plucher avec une faux-faux. Sale sud négro pour le flow-flow. Petite pilule rouge, pop proto. J'suis sous pilule bleue quand j'saute haut. Crée des œufs doux très toxiques. Cuisine audio crack, audio coco. Mais ce qu'on a à faire, nique la popo. Va au Galsen, demande à Soso. Négro, pas besoin d'en faire un topo. On en a rien à foutre du game, on veut juste les Soso. Corleone, Chavez, on mic les love comme Javel. Plusieurs types de drogue dans ma veste, dans Gamos comme extraterrestre dans Navel. Allez vous vendre vos âmes plus jamais. Léonègue mentalité, on va allumer le feu comme Alidé. Mes négros sont prêts, ils n'ont pas idée. Négro, S.O. Silvio, on veut crédit illimité. Je débarque dans cette pute avec le flow d'une divinité. Tu nous as minimisé, erreur fatale, échec et mal. T'es faut rien que t'essaies des masses. Planifié pendant que tu léchais des diables. Ils sont là pour les chants. On est là pour le cash salope. Je me sens comme une voiture. Tous les jours pense du gaz salope. Si je veux ta salope, je prends ta salope. J'en ai rien à foutre, j'ai plus de 4 salopes. On est légendaire comme bruit donc négro. Fuck la terre, fuck ta carotte. Fuck ta carotte.